Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1963, dans les 21e et 22e épisodes d'une série d'émissions qu'elle consacrait à l'histoire de la psychanalyse à travers le récit des grandes étapes de la vie et de l'œuvre de Freud, Marthe Robert s'intéressait à ses écrits sur la littérature et sur l'art. Si l'admiration et la passion de Freud pour ces deux domaines irriguent toute son œuvre, peu nombreux furent ses écrits qui prirent pour objet l'analyse précise de textes littéraires ou d'œuvres d'art. Pour ce qui est de la littérature, il y eut une étude sur un roman de Wilhelm Jensen intitulé « La Gradiva » paru en 1906, un court essai publié l'année suivante portant sur des textes de Shakespeare et de Goethe, et un dernier sur le thème du parricide dans l'œuvre de Dostoïevski. Et du côté des œuvres d'art, une étude sur Léonard de Vinci, paru en 1910, et une autre sur le Moïse de Michel-Ange, en 1914. La révolution psychanalytique, Freud et la littérature, Freud et l'art, deux émissions diffusées pour la première fois sur France 3 National, les 18 et 25 mai 1963. RTF France 3 National présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Leclerc. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Robert Marcy, Jean Muselli, dans Freud et la littérature. Prise de son Sam Yeswiski, collaboration technique Monique Brenner, assistante Odile de Ponctual. À considérer l'intérêt passionné de Freud pour la littérature s'y manifeste à travers la profusion d'allusions et de citations qui parsèment son œuvre et même envahissent ses lettres et ses rêves, on pourrait s'attendre qu'il eût consacré à ce sujet de nombreux travaux proportionnés en volume à son propre goût et à ses dons. Or, il n'en est rien. Le genre de l'analyse littéraire qu'il a fondé et qui, jusqu'à une époque toute récente, a connu dans les milieux psychanalytiques une vogue extraordinaire, n'est représenté dans ses œuvres complètes que par quatre textes assez courts, à quoi il faut ajouter, il est vrai, quelques pages essentielles sur la création littéraire et les problèmes du langage. Le volume, ici, est sans rapport avec l'importance et la nouveauté des idées. Il est peut-être l'indice d'un de ces conflits intérieurs que Freud a décrit dans La science des rêves et qu'il parvint finalement à résoudre, ici comme en d'autres domaines, en alliant la piété à la liberté d'esprit, l'audace à la mesure. À la différence de ses élèves les plus brillants qui prenaient pour objet d'analyse soit la personnalité d'un auteur, soit une œuvre dans son ensemble, soit de vastes domaines comme la mythologie et le folklore, Freud ne s'est attaché qu'aux œuvres et aux écrivains qui, par quelque côté, lui révélait à un moment donné une part de lui-même. Tandis que des auteurs comme Jung, Otto Rank, Theodor Heyck, Karl Abraham ou Jones appliquaient à la littérature des connaissances psychanalytiques solides, développées pour la plupart avec beaucoup de pénétration et de talent, Freud écrivait ses essais littéraires comme il avait écrit « La science des rêves » ou « La psychopathologie de la vie quotidienne », en poursuivant sa propre analyse. Ainsi s'explique que Freud n'ait pas écrit de monographie psychanalytique comparable à celle de Jones sur Hamlet, de Marie Bonaparte sur Edgar Poe ou de René Laforgue sur Baudelaire. Il ne parle que de ce qu'il a retenu lui-même intensément au cours de ses lectures et avec quoi il s'est identifié assez étroitement pour l'analyser sans le détruire. Naturellement, son choix lui est aussi dicté par ses prédilections personnelles et même, dans son étude sur le roi Lear, par une circonstance de sa vie, le mariage d'une de ses filles. La première étude littéraire de Freud porte sur un livre de Wilhelm Jensen, La Gradiva, une charmante nouvelle qui avait au moins deux mérites à ses yeux. D'abord, en effet, elle était entièrement construite sur le délire et les rêves du héros, autrement dit, sur des données oniriques inventées de toutes pièces par l'auteur. Freud trouva tentant d'interpréter ce délire et ses rêves artificiels comme il l'aurait fait pour des rêves nocturnes spontanés. Les résultats de l'analyse furent surprenants. Ils vinrent combler naturellement les lacunes de l'intrigue que l'auteur avait multipliées pour en intensifier le fantastique. Une fois de plus, la clé freudienne du rêve faisait ses preuves en ouvrant des portes secrètes et des tiroirs cachés. L'autre mérite de la Gradiva tenait à la vocation de son héros, qui, archéologue de profession, partageait nécessairement la passion de Freud pour les fouilles et la mise à jour du passé. Dès longtemps, Freud avait reconnu dans son propre goût pour les antiquités comme un doublé de son activité psychanalytique. Le jeune Norbert, absorbé jusqu'à l'hallucination par l'enfance de l'humanité, comme il était prisonnier de son propre passé infantile, venait lui apporter une confirmation gracieuse de son idée. Le docteur Norbert Arnold a pu admirer dans une collection romaine un bas-relief qui l'a extraordinairement frappé. Le moulage de ce bas-relief, dont l'origine et la date lui sont inconnues, est accroché en bonne place dans son cabinet de travail, où sa contemplation le plonge constamment dans une étrange rêverie. Cette sculpture représentait, en pied, une femme en marche, à peu près au tiers de sa grandeur naturelle. Elle était jeune. Ce n'était plus une enfant, et évidemment pas encore une femme, mais une vierge romaine d'environ 20 ans. Le corps était grand et svelte, les cheveux mollement ondulés et presque entièrement recouverts par un fichu. Le visage, un peu menu, ne fascinait pas particulièrement, mais il était évident qu'il ne cherchait pas un tel effet. La tête légèrement inclinée, elle tenait ramassé dans sa main gauche un pan de sa robe extraordinairement plissée qui lui tombait de la nuque aux chevilles et découvrait ainsi ses pieds dans ses sandales. Le pied gauche était posé en avant. Le droit, qui se disposait à le suivre, ne touchait le sol que par la pointe de ses orteils, cependant que sa plante et son talon s'élevaient presque verticalement. Ce mouvement exprimait à la fois l'aisance agile d'une jeune femme en marche et un repos sûr de soi-même, ce qui lui donnait ce charme particulier en combinant une sorte de vol suspendu à une ferme démarche. Norbert est fasciné par la démarche de la jeune fille de pierre à qui il donne le nom de Gradiva, celle qui s'avance. Lui qui ne prête aucune attention aux femmes et ignore même leur existence, il sort dans la rue pour examiner leurs pieds et s'assurer que la démarche si insolite de Gradiva peut être reproduite par des femmes vivantes. Toutefois, ses observations ne lui permettent pas de trancher. Peu après, il a un songe terrible qui le transporte dans l'antique Pompéi en 79, c'est-à-dire au moment où le Vésuve en éruption va ensevelir la ville. Là, il aperçoit tout à coup devant lui Gradiva, qui semble ignorer la catastrophe imminente. Il lui vient alors l'idée décisive pour son délire que Gradiva était pompéienne, qu'elle vivait dans sa ville natale et sans qu'il s'en doutât en même temps que lui. Avant qu'il ait pu rien faire pour l'avertir, Gradiva s'étend sur le portique du temple et s'endort jusqu'au moment où une pluie de cendres vient l'ensevelir. Le délire du jeune homme se poursuit dans la vie éveillée où Gradiva lui apparaît, bien vivante cette fois, dans les ruines de Pompéi qu'il est allé visiter. Cette apparition lui suggère qu'à midi, heure des fantômes, l'antique Pompéi se met à revivre telle qu'elle était avant d'être ensevelie. Il adresse la parole à la jeune fille, en grec naturellement, mais Gradiva lui répond en souriant « Si tu veux causer avec moi, il faut le faire en allemand. » Néanmoins, le jeune homme reste prisonnier de son délire. Gradiva décide alors de le guérir. Elle entre d'abord dans son rêve, puis le ramène peu à peu à la réalité avec des moyens qui ressemblent fort à ceux de la cure analytique. Pour finir, Norbert reconnaît dans Gradiva Zoé Bertgang, la jolie voisine qui est aussi la camarade des jeux de son enfance et dont, sans le savoir, il fuyait depuis longtemps l'amour. en lui démontrant que les sentiments qu'il portait à la femme de pierre allaient en réalité à la femme vivante, la maligne jeune fille a rompu le cercle du délire. Les thèmes de la Gradiva semblent conçus tout exprès pour donner à la science des rêves et à la théorie de l'inconscient une éclatante confirmation. Freud les débrouille avec l'habileté du détective, mais aussi avec tact et un amusement visible. Il reconstruit la vie de Norbert, son amour infantile pour sa camarade de jeu, puis le refoulement qui l'a conduit à devenir fétichiste. Il est ce que les psychiatres appellent un fétichiste du pied, et a coupé finalement tout lien avec le monde réel, principalement avec les femmes et l'amour. Toute son analyse a quelque chose de léger et de transparent qui justifie sa célébrité. Elle se termine par quelques considérations sur une analogie, en quelque sorte fonctionnelle, entre la psychanalyse et le roman. Notre démarche consiste en l'observation consciente des processus anormaux chez autrui, afin d'en pouvoir deviner et énoncer les lois. Le romancier s'y prend certes autrement. Il concentre son attention sur l'inconscient de son âme à lui, prête l'oreille à toutes ses virtualités, et au lieu de les refouler par la critique consciente, leur accorde l'expression artistique. Il apprend par le dedans de lui-même ce que nous apprenons par les autres. Quelles sont les lois qui régissent la vie de l'inconscient? Mais point n'est besoin pour lui de les exprimer, ni même de les percevoir clairement. Grâce à la tolérance de son intelligence, elles sont incorporées à sa création. Nous tirons ces lois de l'analyse de ses œuvres de la même manière que nous les démêlons dans des cas morbides réels. Aussi sommes-nous prisonniers de ce dilemme, ou bien le romancier et le médecin ont compris l'inconscient aussi mal l'un que l'autre, ou bien tous deux l'ont compris correctement. Cette conclusion nous est très précieuse. Elle justifie la peine que nous avons prise d'étudier par les méthodes de la psychanalyse médicale la genèse et la guérison du délire, de même que les rêves de la Gradiva. La Gradiva avait paru en 1903, le texte de Freud en 1906, ce dont Wilhelm Jensen tira sans doute une gloire inattendue. Freud, désireux comme toujours de vérifier ses résultats par des données biographiques, écrivit au poète déjà âgé pour lui demander des précisions sur sa vie. Le 15 mai 1907, Freud lut sa réponse aux membres de la Société de Vienne et quelques jours plus tard la résuma à l'intention de Jung. Qu'est-ce que Jensen lui-même en dit? Il s'est montré extrêmement aimable. Dans sa première lettre, il exprimait sa joie de voir que... etc. Et m'assurait que l'analyse avait touché l'intention du petit texte sur tous les points essentiels. Naturellement, il ne parlait pas de notre théorie, étant apparemment incapable, en sa qualité de vieux monsieur, d'entrer dans d'autres intentions que celles de son travail poétique. À son avis, notre accord devrait être mis au compte de l'intuition poétique et peut-être en partie de la médecine qu'il avait étudiée jadis. Ma deuxième lettre fut plus indiscrète. Je lui demandais des détails sur le côté subjectif de son travail, d'où il avait tiré son thème, où il se plaçait lui-même, etc. Il m'apprit seulement que le relief antique existe bien. Il en possède un moulage, mais n'a jamais vu l'original. C'est lui qui a imaginé qu'il représentait une pompéienne. Lui aussi qui aimait à rêver à Pompéi, dans la chaleur torride de midi, et là, tomba une fois dans un état presque visionnaire. Il n'en savait pas davantage sur l'origine de son sujet. Le début lui était venu subitement pendant qu'il travaillait à autre chose, il laissa tout le reste, se mit à écrire sans être jamais arrêté, trouva le texte comme s'il était déjà achevé devant lui, et écrivit tout d'un trait. Cela signifie probablement qu'une analyse poursuivie à travers sa propre enfance conduirait à son érotisme le plus intime. Il s'agit donc, une fois de plus, d'un fantasme égocentrique. Quelque temps après, Jung eut connaissance de trois autres nouvelles de Jensen, dont l'analyse lui permit d'avancer des hypothèses plus précises. Jensen avait dû être très attaché dans son enfance à une petite fille, peut-être sa sœur, qui lui avait causé déception et chagrin. Cet enfant était peut-être affligé d'une infirmité physique que l'écrivain aurait rappelée et niée tout à la fois en inventant la démarche gracieuse de Gradiva. Interrogé par Freud sur ce point, Jensen, qui ne répondit pas à la question du défaut physique, déclara qu'il n'avait pas eu de sœur, mais s'était passionnément épris dans son enfance d'une petite fille élevée avec lui et morte de tuberculose à l'âge de 18 ans. longtemps après, il était tombé amoureux d'une autre jeune fille qui lui rappelait la première et était morte dans la fleur de l'âge subitement. La Gradiva amena Freud à étudier plus à fond les analogies qu'il avait toujours entrevues entre le rêve et la création littéraire, et qui plusieurs années auparavant lui avait suggéré l'analyse de la femme juge de Conrad Ferdinand Meyer, ainsi que les pages célèbres de la science des rêves où il traitait d'Hamlet et d'Édipe Roi. En 1907, il composa un petit essai intitulé « La création littéraire et le rêve éveillé », dont il exposa librement les idées devant un cercle d'écrivains réunis chez son éditeur. Contrairement à ses autres conférences, cette improvisation reçut de l'assistance un accueil chaleureux, où il crut trouver un signe favorable pour les relations futures de la psychanalyse et de sa nouvelle colonie. Il est vrai que là, il s'en tenait aux généralités, sans aborder encore l'analyse intime des auteurs et des œuvres, qui bientôt allait lui attirer une fois de plus l'accusation de sacrilège. Si l'opinion bourgeoise et les milieux académiques pouvaient s'alarmer de son procédé, à vrai dire les écrivains eux-mêmes, du moins les plus sincères et les plus clairvoyants d'entre eux, avaient bien peu de raisons de s'en choquer. Le texte, en effet, fait ressortir avec beaucoup de relief l'extraordinaire respect que Freud de tout temps porta à l'art et aux artistes. En vertu d'une surestimation un peu naïve de la littérature, qu'il partage du reste avec la bourgeoisie de son temps, le créateur dans ce domaine est à ses yeux un être mystérieux, doué d'un pouvoir surhumain, presque divin, admirable et incompréhensible, quoi qu'on fasse pour percer son secret. Dans tous ses écrits littéraires, il répète que l'analyse finit où l'art commence, et que, si elle est en mesure de contribuer largement à une connaissance profonde de l'âme humaine en éclairant ses plus belles réussites, elle n'a strictement rien à dire sur l'inspiration, laquelle reste le privilège inexplicable de l'artiste. On peut croire qu'en portant la main sur Goethe et Shakespeare, une main légère et combien pieuse, il est vrai, il devait se sentir lui-même un peu sacrilège, mais trouver dans sa ferveur même de quoi lever ses propres scrupules. Son étude sur le thème des trois coffrets dans Shakespeare est à peine psychanalytique. Elle est empreinte d'une délicatesse et d'une mélancolie qui doivent apaiser même les dévots les plus fanatiques du poète. Quant aux souvenirs d'enfance de Goethe qu'il publia en 1917, il en garda l'idée plusieurs années par-devers lui, étant soucieux de ne rien affirmer qui ne fût confirmé par les faits cliniques, et sa conclusion est toute à la gloire de l'Olympien. Le thème des trois coffrets est traité par Shakespeare dans Le Marchand de Venise sous une forme comique, et dans Le Roi Lear en tragédie. Freud y découvre une parenté avec les nombreux thèmes folkloriques et mythologiques où il s'agit pour le héros de choisir entre trois femmes, trois incarnations de l'amour dont le sens primitif était en réalité celui des Moires, déesses de la mort. Après avoir étudié ce retournement de sens à travers de nombreux exemples, Freud revient au Roi Lear qui lui inspire les pages suivantes. Jusqu'ici, nous avons suivi le mythe dans son évolution et nous espérons avoir indiqué les obscures raisons de cette évolution. À présent, nous nous sentons en droit de nous intéresser à la façon dont le poète s'est servi du thème. Or, chez le poète, on en a l'impression, s'est accompli une sorte de retour du thème vers le mythe primitif, si bien que le sens poignant de celui-ci, affaibli par les déformations ultérieures, nous est de nouveau rendu sensible. Par cette réduction des déformations, par ce retour partiel à ce qui était primitif, le poète parvient à exercer sur nous son action profonde. Lear est un vieillard. Nous l'avons dit, c'est à cause de son âge que les trois sœurs sont présentées comme ses filles. La relation de père à enfant, d'où pourraient découler tant de fructueuses inspirations dramatiques, le poète ne s'en sert plus au cours du drame. Mais Lear n'est pas seulement un vieillard, c'est aussi un mourant. La proposition si extraordinaire du partage de l'héritage perd ainsi toute son étrangeté. Cependant, cet homme voué à la mort ne veut pas renoncer à l'amour de la femme. Il veut se faire dire à quel point il est aimé. Qu'on se reporte ensuite à l'émouvante scène de la fin, l'un des sommets du tragique dans le drame moderne. Lear porte le cadavre de Cordélia sur la scène. Cordélia, c'est la mort. En retournant la situation, celle-ci nous apparaît compréhensible et familière. C'est la déesse de la mort qui emporte le héros mort du champ de bataille comme la Valkyrie de la mythologie germanique. La sagesse éternelle drapée dans le vêtement du mythe antique conseille au vieil homme de renoncer à l'amour, de choisir la mort, de se familiariser avec la nécessité de mourir. Le poète nous permet de toucher du doigt le thème antique en faisant opérer le choix entre les trois sœurs par un homme vieilli et mourant. On pourrait dire que ce sont les trois relations inévitables de l'homme avec la femme qui sont ici représentées. Voici la génitrice, la compagne et la destructrice. Ou bien les trois formes sous lesquelles au cours de la vie se présente l'image de la mère. La mère elle-même, l'amante que l'homme choisit à l'image de celle-ci, et finalement la terre-mère qui le reprend à nouveau. Mais le vieil homme cherche vainement à ressaisir l'amour de la femme tel qu'il le reçut d'abord de sa mère. Seule la troisième des filles du destin, la silencieuse déesse de la mort, le recueillera dans ses bras. Ce beau texte est, sans qu'il y paraisse, une confession, où Freud, bien qu'il n'eût encore que 57 ans, s'identifie de toute évidence avec le vieux roi mourant. Comme Lear, il est hanté par la pensée de la mort. Comme lui aussi, il a trois filles, dont l'une est sur le point de se marier, et entre lesquelles il a déjà choisi. Sa Cordélia, celle qu'il appelait aussi son Antigone, c'est Anna, la cadette, qui le soignera avec un dévouement de tous les instants pendant 16 ans, et dont l'amour l'aidera effectivement à mourir. Un souvenir d'enfance de Goethe a fort peu de rapport avec la littérature. C'est une étude purement psychanalytique, fondée sur un épisode de fiction et vérité, où Goethe se voit, petit enfant, jeter par la fenêtre toute la vaisselle de ses parents. En comparant la date de naissance de ses frères et sœurs, Freud put interpréter ce geste dépourvu de sens comme une réaction agressive à la naissance d'un frère, réaction qu'il avait déjà rencontrée sous d'autres formes, en particulier dans le cas du petit Hans, et on s'en souvient sans doute, dans sa propre analyse. Néanmoins, l'hypothèse lui parut longtemps hasardeuse. Il fallut que ses élèves lui fournissent de nombreux exemples analogues pour qu'il se résolût à la publier. Le dernier écrit littéraire de Freud est consacré à Dostoïevski, ou plus exactement au thème du parricide tel qu'il est traité dans Les Frères Karamazov et dans bien d'autres livres du romancier. En soi, une telle analyse ne présentait pas un bien grand intérêt. Dans ce cas où le parricide était allé avec une franchise déconcertante, elle n'avait pas grand-chose à dévoiler. Freud en tira pourtant des remarques intéressantes sur la personnalité du romancier, sa passion du jeu, et surtout son épilepsie où il suggère de voir plutôt une forme d'hystérie. La part la plus remarquable est celle où il décrit les différentes formes du sens moral dont Dostoïevski lui fournit l'exemple. Visiblement, il est choqué qu'un écrivain de génie qu'il admire à l'égal des plus grands ait pu se dégrader par un conformisme servile et des idées platement réactionnaires. Tout le texte contraste d'ailleurs avec sa neutralité habituelle. On sent que son admiration ici est gênée par quelque chose de profond dont il ne peut pas parler. Il écrivit à ce sujet à Theodor Reich qui, dans une longue critique consacrée à l'essai, avait relevé cet état d'esprit. Vous avez raison en supposant que, malgré toute mon admiration pour la supériorité et l'intensité de son œuvre, en réalité, je n'aime pas Dostoïevski. Cela vient de ce que ma patience envers les natures pathologiques s'épuise entièrement dans l'analyse. Ce sont là des traits de caractère personnels qui n'entraînent pas d'obligation pour les autres. Ces quelques critiques littéraires ne représentent qu'un aspect des relations de Freud avec la littérature. Il faudrait encore parler des livres qu'il aimait, de son commerce avec les écrivains et de la façon dont la littérature elle-même lui a rendu son immense intérêt. Il faudrait aussi évoquer le mouvement tout à fait original auquel il a donné son impulsion et qui, rallié autour de la revue Imago, dont le nom est du reste emprunté au roman d'un écrivain suisse, Karl Spittler, a produit une foule de travaux. Les uns passionnants, les autres discutables, dont la critique littéraire a plus ou moins à son insu tiré profit. En créant un genre nouveau où la littérature est soumise pour la première fois à un traitement scientifique, Freud, c'est certain, ne cherchait qu'à consolider et à enrichir sa métapsychologie. en l'appuyant sur des exemples universels porteurs d'une intense humanité. Il a obtenu beaucoup plus, et si tant de choses ont changé dans notre conception de la littérature, de la condition et des tâches de l'écrivain, il est l'un de ceux qui ont le plus contribué au changement. Moins spectaculaire, mais fort important pour la recherche, est le travail de Freud dans le secteur voisin de la linguistique, où, jusqu'à une date récente, il n'a été que fort peu suivi. Pour l'inventeur d'une méthode thérapeutique dont le langage est l'unique instrument, l'étude du langage offrait évidemment un intérêt primordial, et Freud en était bien conscient. Mais les connaissances du spécialiste lui faisaient défaut, et faute de temps pour les acquérir, il n'osait pas s'aventurer trop loin dans un domaine aussi excentrique. Inspiré par ses inépuisables réflexions sur le rêve et des lectures un peu hasardeuses, son travail de linguiste ne pouvait être qu'une ébauche, ou plus exactement, une incitation à la recherche. En dehors de quelques lignes sur le tétragramme sacré des Hébreux, intitulé « Signification d'une suite de voyelles », il se résume presque entièrement dans quelques pages dont l'idée lui avait été suggérée par un ouvrage de Karl Abel sur les langues primitives. C'est le petit essai ayant pour titre « Des sens opposés dans les mots primitifs » qui, depuis quelques années, sert de base de recherche pour tout un groupe de psychanalystes français. Abel apprenait à Freud que ce qu'il avait observé tant de fois dans le rêve, à savoir que dans le langage onirique, une chose peut signifier à la fois elle-même et son contraire, était un trait commun aux langues des plus anciennes cultures, lesquelles, tout comme le rêve, ne voyaient là aucune absurdité. Cette coïncidence venait fort opportunément corroborer ses vues. Elle forme le thème central de l'article où le traité d'Abel est abondamment cité. J'ai été amené à comprendre cette tendance singulière que possède l'élaboration du rêve à faire abstraction de la négation et à exprimer par une même représentation des choses contraires en lisant par hasard un ouvrage de Karl Abel. L'intérêt du sujet m'autorisera à citer ici textuellement les passages décisifs du traité. Nous y apprenons en effet cette chose surprenante, c'est que le procédé employé couramment par le rêve est également propre aux plus anciennes langues connues. Ainsi, après avoir fait ressortir l'antiquité de la langue égyptienne, qui a dû se constituer longtemps avant les premières inscriptions hiéroglyphiques, Abel nous dit « Dans la langue égyptienne, cette relique unique d'un monde primitif, se trouve un certain nombre de mots ayant deux sens, dont l'un est exactement le contraire de l'autre. Qu'on se figure, s'il est possible de se la figurer, une absurdité aussi flagrante que celle-ci. Le mot « fort » signifiant aussi bien fort que faible. Le mot lumière servant aussi bien à désigner la lumière que l'obscurité. Un bourgeois de Munich appelant bière la bière, tandis qu'un autre emploierait le même terme pour dire eau. Et on a l'extraordinaire usage que les anciens Égyptiens pratiquaient habituellement dans leur langue. Comment en vouloir à qui, entendant cela, hocherait la tête avec incrédulité? Vu le haut niveau de la culture égyptienne, Abel rejette sans peine l'idée que cette absurdité pût relever d'une infériorité du développement intellectuel. Elle semble bien plutôt concertée, comme le prouvent d'autres formes bizarres qu'elle affecte. De toutes les excentricités du lexique égyptien, la plus extraordinaire est peut-être celle-ci. Outre les mots qui unissent entre eux les sens les plus opposés, il possède encore des mots composites, dans lesquels deux vocables de sens contraire forment un composé, ne possédant que l'un des deux sens de ces éléments constitutifs. Ainsi, dans cette langue étonnante, il n'y a pas seulement des mots voulant dire aussi bien « fort » que « faible » ou « ordonner » qu'obéir, mais encore des mots composites tels que « vieux-jeune »,« loin-près », »,« lié-séparé », »,« dehors-dedans », lesquels, malgré un assemblage de mots comprenant les sens les plus dissemblables, ne veulent dire le premier que « jeune », le second que « près », le troisième que « lié », le quatrième que dedans. C'est donc vraiment intentionnellement qu'ont été réunis dans ces mots des contradictions quant au concept, non pas afin de créer un nouveau concept comme cela arrive parfois en chinois, mais simplement afin d'exprimer, par ce mot composite, le sens d'un seul de ces termes contrastés que ce terme isolé eût à lui seul pu fournir. Abel se demande ensuite si cette particularité de la langue égyptienne n'appartenait pas aussi aux langues sémitiques et indo-européennes. Pour ces dernières, Freud relève des exemples qui permettent de le penser. En latin, altus veut dire haut, et profond. Sa serre, impure et sacrée. Ici, les sens opposés subsistent pleinement, sans modification de l'élocution elle-même. La transformation phonétique en vue de la séparation des contraires est illustrée par des exemples tels que clamare, crier, clam, silencieux, tranquille. Sicus, sec. Sucus, suc. En allemand, le mot Boden désigne maintenant encore ce qu'il y a de plus haut dans la maison, le grenier, comme ce qu'il y a de plus bas, le sol. Au böse allemand, mauvais, répond un bas, bon. En anglais, tulok, fermé, s'oppose à l'allemand lücke, loch, trou, vide. En allemand, kleben, coller, en anglais, tu cleave, fendre. En allemand, stumm, muet. Stimme, voix. Etc. Abel, dans son origine du langage, attire encore l'attention sur d'autres vestiges des modes de la pensée primitive. L'anglais dit encore aujourd'hui, pour exprimer sans, without, c'est-à-dire avec sans. De même, le prussien de l'Est emploie l'expression mit ohne. With, lui-même, qui répond à l'allemand mit, avec, a dû à l'origine vouloir dire aussi bien avec que sans, comme on peut le voir dans withdraw, s'en aller, se retirer, et dans withhold, retenir. La langue égyptienne possède encore une autre particularité des plus étranges, qui est de nouveau à mettre en parallèle avec l'élaboration du rêve. En égyptien, les mots peuvent subir un retournement aussi bien de leur élocution que de leur sens. Supposons que le mot allemand « gut »,« bon », soit égyptien. Il pourrait, à côté de « bon », signifier « mauvais », et se prononcer soit « gut », soit « tug ». De ces renversements trop nombreux pour qu'on puisse les expliquer par le hasard, on pourrait encore citer bien des exemples empruntés aux langues ariennes et sémitiques. En se limitant pour commencer aux idiomes germaniques, on a « topf »,« pot », Boat, tub, reine, nir. Abel cherche à expliquer le phénomène du renversement du son des mots par un redoublement, une réduplication de la racine. Nous aurions peine ici à suivre le philologue. Nous nous rappellerons le plaisir avec lequel les enfants jouent à renverser le son des mots, la fréquence avec laquelle l'élaboration du rêve se sert d'un renversement du matériel représentatif. Et cela à des fins diverses. Dans ce cas, ce ne sont plus des lettres, mais des images dont l'ordre se trouve interverti. Nous serions donc plutôt disposés à rapporter le renversement des sons à un facteur actif à une plus grande profondeur. On voit que Freud assumait avec infiniment de modestie le rôle de pionnier que lui imposait la logique même de son travail. Parmi ses élèves, rares furent ceux qui surent garder sa discrétion et son sens de la mesure. Rares aussi ceux qui comprirent tout à fait l'orientation classique de son esprit. Vu du dehors, ses incursions sur le terrain des autres disciplines scientifiques ont souvent paru déplacées et lui ont attiré bien des reproches. Nous aurons encore l'occasion de voir qu'il a tout fait pour les soumettre malgré tout à une règle, au risque de paraître chimérique aux yeux du public, et trop timoré pour certains des siens. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Leclerc. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Robert Marcy, Jean Muselli, dans Freud et la littérature. Prise de son Sam Jaswiski, collaboration technique Monique Brenner, assistante Odile de Ponctual. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 18 mai 1963. Tout de suite, le 22e volet de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Jean Muselli et André Saint-Marc dans Freud et l'art. Nous avons dit que les écrits de Freud sur la littérature sont inspirés en partie par le même besoin de connaissance de soi qui est à l'origine de la science des rêves et donne aux principaux moments de l'œuvre freudienne le sens d'un aveu discret. Ce qui attire Freud dans la Gradiva de Jensen, c'est bien entendu le sujet onirique du récit, mais aussi, plus secrètement, l'analyse qu'il peut y faire de sa propre passion pour l'archéologie et le passé. S'il choisit dans l'autobiographie de Goethe l'anecdote infantile du bris de vaisselle, c'est qu'il y avait entre l'enfance de Goethe et la sienne de profondes analogies. Lui aussi avait souhaité la mort d'un petit frère nouveau-né. Lui aussi avait été exaucé de telle sorte qu'il était resté toute sa vie le favori de l'amour maternel. Et si le thème des trois coffrets le retient plus qu'aucun des innombrables sujets de réflexion qu'il eût pu trouver dans Shakespeare, c'est moins pour des raisons théoriques que parce qu'il y découvre de singulières correspondances avec ses sentiments intimes. Partout, Freud part de la subjectivité extrême, qui est le premier degré de la connaissance psychanalytique, et qui, par son radicalisme même, confère à la recherche objective quelque chose comme un pouvoir poétique. Il en va de même pour ses ouvrages sur l'art, qui ne reflètent pas seulement l'intérêt théorique du psychologue, mais aussi la passion d'un homme perpétuellement assailli de questions, capable en outre de vivre intensément à travers d'autres le tourment de son esprit. En écrivant sur Léonard de Vinci, Freud, à mi-voix, parle encore de lui-même. Il confie au lecteur cette insatiable curiosité intellectuelle qu'il avait en commun avec le peintre et dont, fondateur d'une nouvelle science, il se sentait tenu de retrouver les causes profondes. De même, ce qui le fascine dans la figure légendaire du Moïse de Michel-Ange, c'est le débat qu'il connaît bien entre des passions violentes et contraires, la façon dont le héros emporté et dominateur comme lui apaise ses orages intérieurs par la seule discipline de la pensée. N'eût été l'expérience personnelle dont il pouvait s'autoriser à ses propres yeux, Freud eût sans doute été gêné de n'accomplir en cette matière si complexe de l'art qu'un travail de dilettante. Des scrupules de cette espèce sont attestés pour le Moïse, puisqu'il ne consentit à signer l'essai que sur les instances de ses élèves et au bout de plusieurs années. Les arts plastiques, en effet, ne lui offraient pas même ce rapport de voisinage que la littérature, par l'intermédiaire du langage au moins, entretenait après tout normalement avec la psychanalyse. Il constituait un domaine de la culture étroitement délimité, jalousement gardé par surcroît contre les amateurs de toute espèce, parmi lesquels il lui fallait bien se compter. Les œuvres d'art dont il allait parler, il n'avait avec elles que les relations d'un amateur moyen extrêmement doué pour en jouir, mais fort limité dans ses connaissances et dépourvu de l'outillage spécial qui eût facilité son entreprise. C'était folie que de se hasarder sur un pareil terrain. Il s'en aperçut bien à la tempête de protestations indignées qui accueillit son Léonard de Vinci et même à l'effroi de certains de ses adeptes. Une fois de plus, il faut se reporter au temps pour comprendre ces réactions presque générales de l'opinion devant la conception freudienne de l'homme. Pour tous ceux, et c'était la majorité, qui pensaient et sentaient, selon les patrons tout faits hérités du siècle précédent, une chose était intangible au milieu des vicissitudes sociales, politiques et philosophiques de l'époque, c'était ce qu'on appelle fort justement une échelle des valeurs, échelle ayant aux deux bouts un haut et un bas nettement distincts, séparés par toute la distance que mettent entre le corps et l'âme, aussi bien qu'entre les classes sociales, l'histoire et la culture. Le haut, c'était les créations spirituelles et morales de toute espèce, le beau, le bien, le sublime. Le bas, c'était le corps et ses appétits, la faim, l'amour, toute la nudité du besoin. Le bas pouvait aspirer à monter, à condition de se renier d'abord ou de se détruire. Le haut était tout à fait isolé, il créait et jugeait, mais de par son essence même, ignorait ce qui se passait au dernier degré de la hiérarchie. Vers 1910, ce schéma dont les classes élevées s'inspiraient exclusivement, au moins dans leurs écrits et leurs discours, avait cessé depuis longtemps d'être une norme et une vraie mesure. Les grandes entreprises de démolition du siècle précédent n'avaient en réalité rien détruit. Elles avaient seulement montré le véritable état de l'édifice, dont les superstructures apparemment bien conservées et toutes couvertes d'ornements étaient en fait déjà caduques. Marx, Darwin, Nietzsche, Stirner, Kropotkin, pour ne citer que les démolisseurs les plus puissants, avaient si fortement ébranlé les façades idéologiques que le haut et le bas étaient en danger d'intervertir leur rôle et par là même de se nier mutuellement. Humiliés par la découverte de ses origines, taxés d'illégalité ou d'impuissance, accusés de vol et de mensonge, le haut se sauva provisoirement en se réfugiant dans les régions où il s'était le moins compromis, dans l'art, la beauté, la sublimité de l'esthétique. La révolution freudienne vint porter un dernier coup à cette conception des valeurs à quoi la généralité s'accrochait, d'autant plus qu'elle était irrémédiablement condamnée. Toutefois, elle aidait au renversement par une contribution originale, car elle ne disait pas les hautes productions de la religion, de la morale, de l'art, de la philosophie n'ont pas droit au culte qu'on leur voue, elle se bornait à affirmer, mais cela de façon catégorique, que le haut et le bas procèdent de la même chose, qu'ils travaillent exactement avec la même énergie et que, si grandiose qu'ils soient réellement, le haut n'est jamais autre chose que la sublimation des plus bas instincts. Cette filiation, qui expliquait le caractère précaire, aventureux et émouvant de toute civilisation humaine, eût pu être comprise comme une nouvelle attestation de noblesse. Ce ne fut pas le cas. Le public d'Allemagne et d'Europe centrale, appelé pourtant peu après à sombrer dans de bien d'autres abîmes, en fut horrifié comme d'une diabolique calomnie. C'était d'autant plus bête et injuste que Freud, nous l'avons dit souvent, risque même de donner trop de poids à cette remarque. Restait par bien des côtés un petit bourgeois que seul distinguait son besoin héroïque de connaissance et l'incorruptibilité de son esprit. Pour lui, comme pour ceux qui l'identifiaient avec le diable, l'art, par exemple, était incontestablement le dernier dépositaire du sacré, l'une des rares choses, peut-être, auxquelles un homme raisonnable put encore vouer un culte. Mais ce sacré lui-même ne pouvait lui imposer silence. L'homme magnifié par sa propre création n'en était pas moins homme à ses yeux, c'est-à-dire quelque chose dont il devait suivre toutes les traces pour en reconstituer lentement le chemin. Quand il fut sûr que sa reconstitution était juste, il eut le sentiment que sa vérité, si triviale et décevante qu'elle fût pour les esprits épris de noblesse, était encore un vrai hommage au génie. De fait, on ne peut rien imaginer de plus délicat, de plus respectueux, de plus sensible à l'effort humain que ce souvenir d'enfance de Léonard de Vinci qui, en 1910, fit un effet si provocant, même dans certains milieux psychanalytiques, et passe aujourd'hui à bon droit pour une œuvre classique de la littérature allemande. Freud y cerne de près le problème des origines du besoin de connaissance, besoin qui, selon lui, explique l'étrange attitude du maître à l'égard de l'achèvement et du destin de son œuvre. Procédant pas à pas, avec une minutie et une logique qui ne néglige aucune objection, il retrace le cheminement de l'artiste vers la science qui, tout d'abord, devait uniquement servir son art. Il étudia les propriétés et les lois de la lumière, des couleurs, des ombres, de la perspective, afin de s'assurer la maîtrise dans l'imitation de la nature et montrer à d'autres le même chemin. Dès ce moment, sans doute, il s'exagérait la valeur de ses connaissances pour l'artiste. Ensuite, suivant l'orientation de ses besoins de peintre, il fut poussé à l'exploration des objets que représente la peinture. Des animaux, des plantes, des proportions du corps humain, et de l'extérieur du corps, il passa par le même processus mental à l'étude de leur structure interne et de leurs fonctions vitales, qu'expriment aussi leur apparence et que l'art cherche à représenter. Et enfin, cette force démesurée l'entraîna à rompre tout lien avec les nécessités de son art. Il découvrit les lois de la mécanique, devina l'historique des gisements et des fossiles de la vallée de l'Arno, et en vint à inscrire en grandes lettres dans ses notes « Il sole non si muove ». Ainsi s'étendirent ses investigations dans presque tous les domaines de l'histoire naturelle, et il fut en chacun un découvreur, ou du moins un précurseur et un pionnier. Cependant, sa soif de savoir demeura tournée vers le monde extérieur, quelque chose l'écartait de l'exploration de la vie psychique de l'homme. Dans l'Accademia Vinciana, pour laquelle il dessina des emblèmes artistement entrelacés, peu de place restait pour la psychologie. Cette dernière remarque nous rappelle que Freud, lui-même passionné de sciences naturelles, n'avait pas sacrifié sans combat l'étude de la nature à celle de l'homme. C'est à coup sûr en méditant son propre cas qu'il a pu découvrir, tout au fond de l'activité scientifique du peintre, la question première d'où dérive toute connaissance intellectuelle. L'obsession de l'investigation, qui, chez Léonard, contrarie fortement le plein épanouissement de l'art, s'explique par les données de la sexualité infantile dont Freud a fait la théorie dans les trois essais. Elle provient d'une tendance prédominante à la curiosité qui, dans la petite enfance du sujet, se portait exclusivement sur les mystères de la sexualité et s'est mise depuis au service de l'intellect tout en gardant la forme inquiète, insatiable et excessive caractéristique de son origine. Cette curiosité détournée de son but par un refoulement précoce est susceptible de développements variables selon les individus. Freud lui envoie trois qui épuisent toutes les possibilités de son destin. En effet, ou bien elle partage le sort de la sexualité refoulée et le libre exercice de l'intelligence est entravé pour le reste de la vie. Ou bien la curiosité sexuelle est étouffée, mais assez puissante pour sexualiser la pensée, dont les opérations sont alors source de plaisir ou d'angoisse, tout comme la sexualité elle-même. Dans ce cas, les spéculations de l'intellect prennent un caractère obsédant, car elle ressemble à celle de l'esprit infantile dont le propre est d'être sans conclusion ni fin. Le troisième cas est le plus rare et le plus pur. Là, en effet, il n'y a ni inhibition ni obsession, mais une sublimation précoce de la libido qui, se soustrayant au refoulement, vient renforcer d'emblée l'instinct de recherche déjà très fort par lui-même. Les caractères de la névrose manquent, l'intellect détaché des données primitives de l'investigation infantile, peut se consacrer librement à ses intérêts et développer toutes ses facultés, sauf, sur un point toutefois, celui de la sexualité que lui ont interdite les conditions mêmes de son développement. Chez Léonard, nous rencontrons ensemble et une curiosité intellectuelle dominante et un étiolement marqué de la vie sexuelle, laquelle se limite à l'homosexualité dite platonique. Nous serons donc enclins à le prendre pour modèle de notre troisième type. Après une période infantile d'activité intellectuelle au service d'intérêts sexuels, Léonard serait parvenu à sublimer la plus grande partie de sa libido en instinct d'investigation. Telle serait l'essence et le secret de son être. Mais il n'est pas facile d'en faire la preuve. Il nous faudrait connaître l'évolution psychique de ses premières années. Or, il semble insensé d'espérer trouver des documents à cet effet, les données sur la vie de Léonard étant fort rares et incertaines. De plus, il s'agit d'une période de la vie dont les circonstances échappent à l'attention des observateurs, même chez les personnes de notre génération. Freud a pourtant trouvé une donnée précise sur l'enfance de Léonard, et cela dans un écrit scientifique. il s'agit d'observations sur le vol du vautour que le peintre interrompt pour évoquer un souvenir de ses premières années bizarrement lié à son sujet. Il me semble que je suis destiné de tout temps à m'occuper tout spécialement du vautour, car je me rappelle comme d'un de mes tout premiers souvenirs d'enfance, qu'étant encore au berceau, un vautour vint à moi, m'ouvrit la bouche avec sa queue, et à plusieurs reprises poussa cette queue entre mes lèvres. À partir de cet unique fantasme, dont la traduction érotique est fournie aisément par le mot « queue », équivalent de « membre viril » en italien comme dans toutes les langues, Freud reconstitue un à un tous les éléments du drame précoce dont le peintre adulte a tout à la fois subi et exploité les douloureuses conséquences. À l'aide de ces quelques lignes dédaignées par les biographes et ignorées des critiques d'art, il jette une lumière éblouissante sur toutes les singularités de la vie du maître, aussi bien sur son intérêt pour le vol des oiseaux et ses rêves de vol humain, que sur ses relations avec ses élèves, son goût immodéré pour les jouets et le sourire énigmatique dont il a doté tant de ses figures. La démonstration, qui cadre exactement avec les données biographiques attestées, repose entièrement sur ce fantasme du vautour dont Freud trouve des équivalents dans de nombreuses croyances superstitieuses ou mythologiques. Dans la mythologie égyptienne, le vautour est une divinité maternelle pourvue d'un attribut viril. Le prototype, par conséquent, de ce que les psychanalystes appellent une mère phallique. Pour les pères de l'Église, il sert de preuve naturelle au dogme de l'Immaculée Conception, car il passe pour être constitué de telle sorte qu'il peut se féconder lui-même. Freud y découvre l'image de la mère du peintre, de cette jeune paysanne abandonnée, dont l'amour passionné et les caresses excessives avaient scellé le destin de l'enfant. Enfant illégitime, abandonné, puis repris par son père, arraché très tôt à une jeune mère qui, après avoir été pour lui tout l'amour du monde, disparut entièrement de sa vie et laissa la place à une belle-mère pleine de tendresse, d'autant plus aimante qu'elle était elle-même sans enfant, Léonard peignit la maternité comme il l'avait connue dans sa petite enfance, avec l'ambiguïté et littéralement le double visage dont Freud a retrouvé la hantise dans la troublante composition de sa Sainte Anne. L'enfance de Léonard fut aussi singulière que ce tableau. Il avait eu deux mères. D'abord sa vraie mère, Katharina, à qui on l'arracha entre 3 et 5 ans. Ensuite, une jeune et tendre belle-mère, Donna Albiera, la femme de son père. Une autre circonstance de son enfance, la présence simultanée d'une mère et d'une grand-mère au foyer de son père, le conduisit à concevoir Sainte-Anne en condensant les deux figures. La figure maternelle la plus éloignée de l'enfant, la grand-mère, correspond par son apparence et sa situation dans le tableau à la première et vraie mère Katharina. Et l'artiste recouvrit, voilà, du bienheureux sourire de la Sainte Anne, la douleur et l'envie que ressentit la malheureuse quand, après avoir cédé le père, elle dut abandonner l'enfant à sa noble rivale. Ainsi s'explique le singulier défaut de composition qui a si souvent intrigué les critiques. Anne et Marie, en effet, ne sont pas nettement délimitées mais presque entièrement confondues, comme deux figures de rêve dont la condensation n'aurait pas réussi. C'est que le peintre a fondu en une seule personne les deux mères de son enfance, en donnant toutefois à la vraie ce sourire qu'elle avait peut-être réellement, et qui, propre à la fois aux jeunes gens et aux femmes de ces tableaux, passe justement pour être indéfinissable. Ainsi, une autre œuvre de Léonard vient confirmer notre hypothèse. Le sourire de Mona Lisa del Giocondo réveilla en l'homme fait qu'était alors Léonard le souvenir de la mère de ses premières années. Et depuis lors, chez les peintres de l'Italie, les madones et les nobles dames eurent l'humble inclination de tête et le sourire étrange et bienheureux de la pauvre paysanne Katharina, qui avait donné au monde ce fils de gloire, destiné à l'art, à la recherche et à la souffrance. Car la tendresse excessive de sa mère lui fut fatale. Elle scella son destin, provoqua les manques de son être et de sa vie. La violence des caresses que révèle son fantasme au vautour n'était que trop naturelle. La pauvre mère abandonnée devait épancher dans l'amour maternel et tout son souvenir des tendresses perdues et sa nostalgie de tendresses nouvelles. Elle se sentait poussée non seulement à se dédommager elle-même de n'avoir pas d'époux, mais a dédommagé l'enfant de n'avoir pas un père qui l'eût caressé. Alors, à la façon des mères insatisfaites, elle mit le petit enfant à la place de l'époux et, par une trop précoce maturation de son érotisme, le dépouilla d'une part de sa virilité. Freud ici aborde le point de son analyse qui provoqua le plus de tapage, celui de l'homosexualité latente du peintre que les contemporains prenaient probablement à tort pour une inversion déclarée. Par suite d'un attachement infantile exclusif, Léonard s'était interdit toutes les femmes, puis identifié avec la figure androgyne qui dominait ses fantasmes primitifs, de sorte que son choix amoureux se porta sur l'objet même qu'avait aimé et caressé sa mère, le jeune garçon, image fascinante, où il retrouvait tout à la fois ses propres traits et les traces de la passion maternelle. Cependant, une fidélité absolue à l'image originale condamnait cette inclination elle-même à rester toute idéale. Aussi, l'inversion du peintre ne se réalise-t-elle que dans son art, à travers le sourire indéchiffrable qu'il pose sur les lèvres de ses adolescents. Quand Léonard, parvenu à l'apogée de sa vie, rencontra de nouveau ce sourire de béatitude extatique semblable à celui qui se jouait sur les lèvres de sa mère tandis qu'elle le caressait, lui-même était depuis longtemps la proie d'une inhibition qui lui interdisait de jamais plus demander de telles tendresses à des lèvres de femme. Mais il était devenu peintre, et ce sourire, il s'efforça de le recréer avec son pinceau. Il en dota tous ses tableaux, qu'il les exécuta lui-même ou les fit exécuter sous sa direction par ses élèves. Ces tableaux respirent une mystique dont on n'ose pas pénétrer le secret. On peut tout au plus tenter d'en rechercher le lien avec les créations antérieures de Léonard. Ces figures sont encore androgynes, mais non plus dans le sens où l'était le fantasme au vautour. Ce sont de beaux jeunes gens d'une délicatesse féminine aux formes efféminées. Ils ne baissent pas les yeux, mais nous regardent d'un regard mystérieusement vainqueur, comme s'ils connaissaient un grand triomphe de bonheur que l'on doit taire. Le sourire ensorceleur que nous connaissons laisse deviner qu'il s'agit d'un secret d'amour. Peut-être Léonard a-t-il désavoué et surmonté par la force de l'art le malheur de sa vie amoureuse en créant ces figures où la fusion bienheureuse de l'être mâle avec l'être féminin figure la réalisation des désirs de l'enfant jadis fasciné par sa mère. La conclusion de cet admirable essai, où l'émotion et les idées s'exaltent mutuellement sans que la démonstration perde de sa rigueur, porte la discussion sur le problème du déterminisme psychique qui, pour Freud, est depuis longtemps un point résolu. Y a-t-il lieu, demande-t-il, de s'indigner qu'on attribue au hasard de la constellation parentale une telle influence sur le destin des hommes, en faisant dépendre, par exemple, le destin de Léonard de sa naissance illégitime et de la stérilité de sa belle-mère? Je crois que l'indignation ne serait pas fondée. Juger le hasard indigne de décider de notre sort, c'est retourner à la conception religieuse du monde dont Léonard lui-même prépara la défaite en écrivant que le soleil ne se mouvait pas. Certes, cela nous mortifie de penser qu'un Dieu juste et une providence bienveillante ne nous préservent pas de telles influences au temps de notre vie où nous sommes le plus désarmés. Mais, pensant ainsi, nous oublions que dans notre vie, justement, tout est hasard. Et cela dès notre naissance, par la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, hasard qui rentre cependant dans l'ensemble des lois et des nécessités de la nature et manque seulement de rapport avec nos désirs et nos illusions. La ligne de partage entre nos déterminations de par les nécessités de notre constitution ou bien de par les hasards de notre enfance a beau être encore incertaine dans son tracé, il ne nous est plus permis de douter de l'importance des premières années de notre vie. Nous avons encore trop peu de respect pour la nature qui, selon les paroles sibyllines de Léonard, paroles qui annoncent déjà celles d'Hamlet, est pleine d'infinies raisons qui ne furent jamais dans l'expérience. Chacun des hommes, chacun de nous répond à l'un de ces essais par quoi ces raisons de la nature se pressent vers l'existence. L'étude de Freud sur Léonard est à sa manière un acte de piété et d'amour envers la mère qui, comme la nature à laquelle Freud a finalement dédié son œuvre, tout à la fois sauve et perd ses enfants favoris. À cet égard, elle forme un contraste parfait avec le Moïse de Michel-Ange, qui, lui, traite exclusivement du père, au point que la personne de l'artiste y disparaît presque entièrement au profit de son sujet. Le vrai héros de cet essai, qui, à strictement parler, n'appartient pas à la littérature psychanalytique, ce n'est pas Michel-Ange, en effet, mais Moïse. Cet imposant Moïse biblique qui apporte la loi aux hommes et, avec elle, la promesse et la menace terrible de l'accomplissement viril. En attendant de se mesurer avec le géant dont il a tenté de réécrire la loi, Freud le contemple dans l'admiration et l'effroi, non plus en analyste revêtu d'une autorité paternelle, mais avec toute la curiosité, l'amour et la secrète envie du fils. Nous avons dit qu'il s'était refusé longtemps à signer ces pages, qui, vu leur lien très lâche avec la psychanalyse, étaient pourtant bien moins compromettantes que d'autres et trop prudentes pour irriter les spécialistes. Il a expliqué cette réserve par son incompétence en matière d'art. Mais son étude sur Léonard, écrite 4 ans plus tôt, prouve bien que ce scrupule n'était pas invincible. Aussi peut-on se demander s'il n'y avait pas là des raisons plus profondes et si, par exemple, il ne répugnait pas à montrer publiquement ce renversement de situation qui le mettait à la place du fils, sans l'excuse cette fois d'une nécessité théorique. N'est-ce pas, pour se faire entendre à demi-mot qu'il écrivait à Jones, « Pourquoi ferais-je du tort à Moïse en accolant mon nom au sien ?» Du reste, le texte n'a rien de psychanalytique, il se développe à partir d'un détail de la sculpture que Freud confronte avec l'ensemble pour en induire le sens psychologique. Et avant d'oser une analyse systématique du prophète, il attendra lui-même presque la dernière limite de sa vie. Assurément, l'écrasante figure de Moïse tenait une place immense dans l'esprit de Freud, qui connaissait fort bien la Bible et ne pouvait manquer de ressentir le prophète comme une incarnation grandiose de la loi paternelle, la plus saisissante et la plus pure, peut-être, de l'histoire. Cette image toute puissante et éternelle explique sa bizarre attirance pour la sculpture de Michel-Ange, qu'il alla voir dès sa première visite à Rome en 1901 et revit avec la même exaltation à chacun de ses voyages. Il décrit dans son essai les sentiments violents que provoquait en lui la vue de la statue. « Je suis ravi, chaque fois qu'à propos de cette œuvre, je lis par exemple qu'elle est la couronne de la sculpture moderne. Car jamais aucune sculpture ne m'a fait une impression plus puissante. Combien de fois n'ai-je pas grimpé l'escalier raide qui mène du disgracieux Corso Cavour à la place solitaire où se trouve l'église délaissée. Toujours, j'ai essayé de tenir bon sous le regard courroucé et méprisant du héros. Mais parfois, je me suis ensuite glissé prudemment hors de la pénombre de la nef, comme si j'appartenais moi-même à la racaille sur laquelle est dirigé ce regard, racaille incapable de fidélité à ses convictions et qui ne sait ni attendre ni croire, mais pousse des cris d'allégresse dès que son idole illusoire lui est rendue. » Et un peu plus loin, cherchant si Moïse, comme le veulent certains critiques, est figuré au moment où il va bondir pour fracasser les tables, il se rappelle son espoir ou sa crainte fantastique de voir la pierre s'animer. Je me souviens de ma déception lorsque, lors de mes premières visites à Saint-Pierre-Eslien, j'allais m'asseoir devant la statue dans l'attente de la voir se lever brusquement sur son pied dressé, jeter les tables à terre et déverser toute sa colère. Rien de tout cela n'arriva. La pierre se raidit, au contraire, de plus en plus. Une sainte et presque écrasante immobilité en émana. Et j'éprouvais la sensation que ce qui est représenté là est quelque chose d'à jamais immuable, que ce Moïse resterait ainsi, éternellement assis et irrité. Est-ce pour se délivrer de cette éternité que Freud tenta de retrouver l'hypothétique mouvement du héros à l'instant où la pierre l'a saisie? Il lui fallait en tout cas un puissant motif pour consacrer presque 2 ans de travail aux quelques pages de son essai. En 1912, lors de son séjour à Rome, il va voir Moïse tous les jours. Ensuite, il se plonge dans la lecture de tout ce qui a été écrit sur ce sujet. Ernest Jones raconte les alternances de foi et de doute qui, pendant plusieurs mois, l'empêchent de poursuivre son travail. À cette époque, je lui envoyais de Florence les photographies de 2 statues qui se trouvent dans le Duomo et dont l'une due à Donatello passe pour avoir incité Michel-Ange à avoir entrepris son chef-d'œuvre. Cette idée émut beaucoup Freud, car, si le fait était exact, la raison de la posture de Moïse aurait été d'ordre purement artistique, sans comporter de signification particulière. Je lui envoyai donc de Rome deux photographies, et à sa demande en fit prendre d'autres, représentant le bord inférieur des tables. Pendant un an environ, ses doutes relatifs à son interprétation l'empêchèrent de reprendre ce sujet. C'est pour élucider les raisons de sa propre fascination que Freud se concentre sur l'étude de la statue. Qu'a donc la figure de si énigmatique? Et d'abord, que représente-t-elle? Hormis quelques traits sans ambiguïté, les auteurs ne s'accordent pas sur sa signification et Freud relève soigneusement leur surprenante divergence. Comme toujours, il trouve son bien dans le rebut de l'observation des autres en confrontant avec le réel tous les détails censément acquis. Ainsi, on dit en général que Moïse fourrage dans sa barbe ruisselante et que, du même bras droit, il retient les tables qui commencent à lui échapper. Freud, au contraire, établit que le titan ne tient sa barbe que d'un seul doigt et que les tables qui, un instant auparavant, ont effectivement tourné, sont maintenant solidement calées. En coordonnant ces relations entre le bras droit, la barbe et les tables, il reconstitue l'histoire d'un mouvement intérieur qui n'aboutit pas à l'explosion de colère rapportée dans le récit de la Bible, mais à une formidable, à une surhumaine maîtrise de soi. Ce mouvement ne va pas se produire, il a déjà eu lieu. Une fois de plus, la détection patiente d'un réel à demi caché découvre à Freud non pas un événement futur, mais le passé. Notre Moïse ne va ni s'élancer, ni jeter les tables loin de lui. Ce que nous voyons en lui n'est pas le début d'une action violente, mais les restes d'une émotion qui s'éteint. Il avait voulu, dans un accès de colère, se précipiter, se venger, oublier les tables. Mais il a vaincu la tentation, et sa fureur maîtrisée, il va rester assis dans une douleur mélangée de mépris. Il ne rejettera pas non plus les tables pour les briser sur la pierre, car c'est à cause d'elles qu'il a dominé son courroux. C'est pour les sauver qu'il a vaincu son emportement passionné. Au moment où il s'abandonnait à l'indignation, il fallait qu'il négligeât les tables, qu'il retirât la main qui les tenait. Alors elles se mirent à glisser et furent en danger de se briser. Cela le rappela à lui. Il pensa à sa mission et, à cause d'elle, renonça à satisfaire sa passion. Sa main se retira brusquement et sauva les tables avant qu'elles eussent pu tomber. Il resta dans cette position d'attente, et c'est ainsi que Michel-Ange l'a représenté comme gardien du tombeau. Par là, il a introduit dans la figure de Moïse quelque chose de neuf, de surhumain, et la puissante masse ainsi que la musculature exubérante de force du personnage ne sont qu'un moyen d'expression tout matériel servant à rendre l'exploit psychique le plus formidable dont un homme soit capable, vaincre sa propre passion au nom d'une mission à laquelle il s'est voué. Le Moïse parut en février 1914 dans la revue Imago avec cette note humoristique des rédacteurs. La rédaction ne s'est pas refusée à accepter cet article qui ne rentre pas à strictement parler dans son programme, parce que l'auteur qui lui est connu touche de près au cercle psychanalytique et que sa manière de penser présente quelque analogie avec les méthodes de la psychanalyse. Freud ne renonça à l'anonymat que 10 ans après, en 1924, donc au moment de la première édition de ses œuvres complètes. Entre-temps, lui aussi avait été renié par une partie de son peuple et, comme il l'écrivait à Ferenczi, il craignait que dans ces crises violentes où sa loi avait risqué de périr, il n'eût parfois ressemblé davantage à l'intraitable héros de la Bible qu'au surhomme de Michel-Ange. Quoi qu'il en soit, il lui fallut un quart de siècle pour en finir avec Moïse. RTF France 3 National vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Jean Muselli et André Saint-Marc dans Freud et l'art. Prise de son Pierre Simon, assistante Marie-Andrée Arminot. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 18 et 25 mai 1963. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the boy, and never ever think of counting sheep. Listen, you'd be his if only he would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss him. You'd be here.